Les aventures de Tintin par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les bijoux de la Castafiore. Premier épisode. Joli mois de mai, la nature dans toute la fraîcheur du renouveau. Le gazouillis des oiseaux, ces fleurs des bois et ces parfums, cette bonne odeur d'humus. Respirez à fond, Tintin. Emplissez vos poumons de cet air pur et vivifiant, si fin, si léger, si pétillant qu'on a envie de le boire. À vrai dire, comme parfum, cela ne ressemble pas précisément à celui du muguet. Tiens, c'est vrai. Ah, mais voilà, nous côtoyons cet infect champ d'épandage où l'on déverse tous les détritus, résidus et fonds de poubelle de la région. Eh, ma parole, il y a des gens qui semblent attirés par cette puanteur, c'est incroyable. Des romanichels ? Aucun sens de l'hygiène, ces oives-là. C'est inouï. Venez, Tintin, coupons à travers bois. D'accord, capitaine. Ah. On respire quand même mieux par ici. Chut. Écoutez. On dirait un enfant qui pleure. En effet. Allons voir. Une petite bohémienne. Elle se serait éloignée du campement que nous venons de voir. Bonjour. Eh bien, pourquoi pleures-tu ? Dis-moi, tu as perdu ton chemin ? Allons, n'aie pas peur, comment t'appelles-tu ? Moi, je m'appelle Tintin, et toi ? Eh bien, répondons, petite. Mais c'est de démener, tonnerre de Brest ! Non, non, capitaine ! Nous n'allons pas te manger ! Aouf ! Mille milliards de mille sabords, espèce de petite tigresse, gare à toi si je te rattrape ! Non, mais regardez-moi ça, elle m'a mordu la main jusqu'au sang, cette diablesse ! C'est vrai, mais vous l'avez effrayée ? Que se passe-t-il encore ? Milou ? Oh ! La pauvre petite ! Comment ça, la pauvre petite ? Elle a trébuché dans les ronces et s'est cognée la tête contre cette racine. Tu n'es pas blessée ? Non, tu ne saignes pas. Tu auras peut-être une bosse, mais ce ne sera rien. Pauvre gosse. Allons, n'aie pas peur. Nous allons te reconduire chez tes parents. Peux-tu te lever ? Kili, kili, kili ! Et quelques minutes plus tard... Dire qu'il y a des gens qui vivent comme ça au milieu d'immondices. Yes. Bonjour tout le monde. Nous l'avons trouvée dans les bois où elle s'était sans doute égarée. Lorsqu'elle nous a vus, elle s'est enfuie. Mais un peu plus loin, elle est tombée la tête la première contre une grosse racine. Alors voilà, nous vous l'avons ramené. Toi, homme généreux, moi te dire la bonne aventure. Toi, mettre un peu d'argent dans ta main. Non, non, merci, pas question. Et peut-être serait-il prudent, par acquis de conscience, de la faire examiner par un médecin. Un médecin ? Vous croyez sans doute que nous avons assez d'argent pour payer un médecin ? Écoute, monsieur, moi te dire la bonne aventure. Toi, mettre un peu d'argent dans ta main. Non, non, lâchez-moi, s'il vous plaît. Oh ! Eh bien quoi, qu'y a-t-il ? Toi, mordu. Oh, si c'est tout ce que vous avez à me raconter, moi aussi je puis vous la dire, la bonne aventure. Toi, fais très attention. Sinon, accident. Mais pas grave. Toi, bientôt nouvelle voiture. Oh, moi, voir belle couronne d'âme étrangère. Elle venir te rendre visite. Oh, elle a voir bijou magnifique. Et, oh, grand malheur. Quoi encore? Bijou parti. Disparu. Envolé. Tu vas mettre un peu d'argent dans ta main. Et moi, te dire encore beaucoup de choses. Non, non, ça va comme ça. Lâchez un ma peu main. D'argent, s'il te plaît. Sinon, grand malheur, je te dis. Sinon, bijou parti. Moi aussi, parti. Fini. Terminé. Bonne aventure. Voilà. Au revoir. Et soignez bien ce petit ange. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller vous établir ailleurs que sur ce terrain rempli de détritus. C'est très malsain. Parce que monsieur imagine que ce terrain, c'est nous qui l'avons choisi. Monsieur se figure que ça nous plaît de vivre parmi les ordures. C'est-à-dire que... Tais-toi, Matteo. Laisse-moi parler à ce gadjo. Un gadjo? Moi? C'est ainsi que nous appelons ceux qui ne sont pas de cigales. Voilà. Nous sommes arrivés ici hier avec un homme malade. Et la police nous a permis de camper. Mais uniquement cet endroit. Ah, c'est comme ça. Eh bien, Mille Sabords, vous allez vous installer autre part, c'est moi qui vous le dis. Il y a une belle pâture près du château, au bord d'une petite rivière. Vous pouvez y venir quand vous voulez. Entendu? Obliger des êtres humains à vivre dans un pareil dépotoir. C'est révoltant. Vous avez bien fait de les inviter, capitaine. Oh, mon pauvre Trifon. Rien cassé? Ah si, si. Un morceau d'au moins 20 cm. Oh, cette satanée marche, toujours pas réparée. Quand on viendra se marbrier de malheur? Je lui ai téléphoné à plusieurs reprises, monsieur. Chaque fois, il promet de venir, mais... Bon, je vais vous montrer, moi, comment il faut s'y prendre. Allô? Allô, c'est Boulu? Comment, c'était pas monsieur Boulu? Non, monsieur, c'est la boucherie sans eau, ici. Oui, monsieur. Non, monsieur. Pas de quoi, monsieur. Allô, c'est monsieur Boulu? Oui. Ah, oui, monsieur. Ah, oui, je sais, je... Oui, j'étais surchargé de travail et... Oh oui, c'est très ennuyeux. Comment? Ah oui, très dangereux. Oui, oui, oui. Quand? Ah oui. Eh bien, j'irai chez vous. Demain. Oui, demain, à la première heure. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir, monsieur. Voilà comment on obtient un résultat, mon ami. Un peu de fermeté, que diable. Hein. Il sera ici demain matin, vous l'avez entendu? Dieu vous entende lui aussi, monsieur. Et maintenant, l'apéritif. Le grand air, ça donne soif. De bonnes nouvelles, Tintin? Chang m'écrit de Londres. Tout va bien. Il vous adresse son meilleur souvenir. Quel charmant garçon, ce Chang. Oui. Et une autre lettre signée, vous ne le devinerez jamais, Bianca Castafiore. Bianca Castafiore, ce cher rossignol milanais. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Tiens, nous allons avoir de l'orage. Et que nous annonce-t-elle, cette aimable créature? Ah non, ça se calme, dirait-on. Ce qu'elle nous annonce? Son arrivée pour demain. La Castafiore, demain, ici? C'est une plaisanterie. Lisez vous-même. Mon jeune ami, il y a bien longtemps déjà que blablabla, un séjour dans votre pays, blablabla, fuir les journalistes, blablabla, puis-je en toute simplicité, tu parles, m'inviter au château de Moulinsart, blablabla, j'arriverai le 17... 1 000 000 de Mille Sabords, la Castafiore ici, cataclysme, catastrophe, calamité. Il y a un gentil petit post-scriptum pour vous. 1 000 amitiés au capitaine Bartok. Ad hoc, Madame Castafiore. Ad hoc, mille tonnerres. Nestor. Oui, monsieur. Nestor, mes bagages, tout de suite. Il faut que je sois parti dans une heure. Bien, monsieur. Voyons, capitaine. Non, mon cher, inutile d'insister. Je lève l'ancre. Eh bien, Nestor, que se passe-t-il ? Mais c'est cette marche, monsieur. Mais enfin, tonnerre de Brest, vous le savez qu'elle est cassée, cette marche. Je me tue à vous le chanter sur tous les tons. Oui, monsieur. On a sonné, monsieur. Laissez, j'ouvrirai moi-même. Occupez-vous de mes bagages. Un télégramme pour vous, Tintin. Qui sait, c'est peut-être Bianca Catastrophe qui a eu un empêchement. Eh bien. C'est d'elle, précisément. Mille excuses, stop. Ne pourrait pas venir. Magnifique. Ouah. Ah, tu ça entends ça, Trifon? Vieux frère, elle ne vient pas. Tralalala. Oui, mais ce beau temps ne pouvait pas durer. Nestor, mes bagages. Stop, je ne pars pas. Bien, monsieur. Il y a une suite, capitaine. Mille excuses, stop, ne pourrait pas venir le 17. Stop, arriverait le 16. Stop, amitié, signé Bianca. Quoi? Le 16? Le 16? Mais c'est aujourd'hui, ça, le 16! Précisément, capitaine. Branle-bas de combat, tout le monde sur le pont! Et sauf qui peut! Où allez-vous? Je ne sais pas. N'importe où. À Milan, par exemple. Je n'ai jamais osé y aller de crainte d'y rencontrer ce cyclone ambulant. Mais... Nestor, mes bagages, tout de suite! Mon Dieu! Capitaine! Mille milliards de mille savants! Ah, cette marche tonnerre de Brest! Cette satanée marche! Ah, si je tenais ce cornichon de marbrier! Ah, rien de cassé au moins! Ah non! Heureusement, mais j'aurais tout aussi bien pu me faire une entorse! Oh! Et une heure plus tard. Oh, une solide entorse, mon ami! Avec déchirure ligamentaire! Pas possible! Je reviendrai demain vous mettre un plâtre. Un plâtre? Pour une entorse? Mais docteur, je pars aujourd'hui même pour l'Italie. Pas question. Plâtre et repos absolu pendant 15 jours. Et estimez-vous encore heureux de ne pas vous être cassé une jambe. Et d'ailleurs, un bon conseil. Faites réparer cette marche, d'autres pourraient avoir moins de chance que vous. Au revoir. Au revoir, docteur. Je vous raccompagne. Parce que j'ai de la chance, moi. Très drôle. Heureusement... Je peux encore me bourrer une petite pipe. Coucou! Bonjour, capitaine Capoc. Ah, je suis ravie de vous revoir. Comment êtes-vous entré? Mais madonna! Que vous est-il donc arrivé? Une entorse, mais comment êtes-vous entré? Juste au moment où nous arrivions, Tintin reconduisait un monsieur. Nous n'avons pas eu besoin de sonner. Comment, nous? Vous êtes plusieurs? Eh oui, bien sûr. Irma, mon habilleuse, voyage toujours avec moi. Bonjour, monsieur. Ainsi que mon accompagnateur Igor Wagner, qui forcément m'accompagne toujours. Enchanté. Permettez-moi, madame, de vous présenter notre vieil ami, le professeur Tournesol. Oh, je suis ravie, absolument ravie de rencontrer le célèbre sportif qui a fait de si magnifiques ascensions en ballon. Mes hommages, madame. Je suis particulièrement heureux de faire la connaissance d'une grande artiste. D'une artiste incomparable. D'une artiste qui... Professeur, vous me faites rougir. Je l'espère de tout cœur, madame. Tintin m'a souvent parlé de vos tableaux où la grâce des lignes s'allie à la hardiesse des coloris. Il paraît que vos portraits, surtout, sont d'une ressemblance tout à fait étonnante. Nestor, veuillez conduire madame à sa chambre. Bien, monsieur. Très volontiers. Mais avant tout, Irma, où elle est la petite chose pour le capitaine Kodak? Dans le taxi, madame. Je vais le chercher. J'ai pensé, je me suis dit... Qu'un vieux loup des mers comme vous devait se sentir bien seul dans sa barquette. C'est très gentil à vous. Si. Alors, j'ai songé à vous offrir... Voici, madame. Ce perroquet des îles qui sera pour vous le plus fidèle des compagnons. Quelle surprise. Quelle charmante surprise. Rien ne pouvait me faire davantage plaisir. J'en étais sûre. Voilà, Irma, mettez-le sur son perchoir, voulez-vous? Bien, madame. Il s'appelle Coco, un nom typiquement italien. Et il est si affectueux. N'est-ce pas que tu l'aimes déjà, ce bon capitaine Mastoc? Caressez-le, capitaine. N'ayez pas peur. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Kelly, Kelly, Kelly. C'est merveilleux. Il vous a déjà adopté. Ah, les animaux ont un instinct qui ne les trompe pas. Ils s'attachent immédiatement à ceux qui les aiment. Ah, vous croyez? Aouh! Un million de mille milliards de mille sabords. Mon doigt, espèce de cannibale bachibouzouk, ravassol. De grâce, capitaine Cosaque, pas de gros mots. Ces pauvres choux seraient capables de les répéter. Montrez-moi votre doigt. Ce n'est rien. Un petit bobo de rien du tout. Irma! La trousse de secours, je vous prie. Voici la trousse, madame. Et ceci. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Mon cher ami Tintin, permettez-moi de vous offrir ces petits présents. L'enregistrement de l'air des bijoux. Et pour consoler le pauvre marin, une jolie petite poupée. Voilà qui est fait. Je vous remercie infiniment, madame. C'est vraiment gentil d'avoir songé à moi. De tout, de tout. J'ai pensé que cela vous rappellerait notre première rencontre en Sildavie. Vous vous souvenez? Comment donc? C'est là, en effet, que je vous ai entendu chanter pour la première fois l'air des bijoux du Faust de Gounod. Ah oui, cet air des bijoux qui... Tiens, mes bijoux! Ici, madame, ici, c'est moi qui ai la mallette. Mon Dieu, c'est vrai. Ah, je respire. Bon, eh bien, mon ami, si vous voulez me montrer ma chambre... Quand madame voudra. Ah, j'oubliais. Je serai probablement relancée jusqu'ici par les journalistes. Alors, puis-je vous demander un grand service? Pas d'interview, pas de reportage, pas de photos, rien. Je suis arrivée chez vous incognito et je désire le rester. Entendu, madame. Au même moment, devant l'entrée du parc de Moulinsart... C'est bon, ils ont déchargé ses bagages. C'est donc ici qu'elle s'installe. Au travail, Gino. Certo. C'est ici, madame. Ravissant! Comme ils ont du charme, ces vieux meubles. Ces lits à baldaquin, de style... C'est de l'Henri XV, n'est-ce pas? Louis XIII, madame. C'est ce que je voulais dire, naturellement. Que madame veuille bien m'excuser, on a sonné. Faites, mon ami. Encore du monde, sapristi. Oh, ça, c'est ce qui s'appelle redresser la situation. Mon Dieu. Le téléphone ici, capitaine. Merci, Tintin, vous êtes gentil. Monsieur, monsieur, il y a là, dehors, toute une caravane de bohémiens. Ils disent que monsieur leur a dit de venir s'installer près du château. C'est exact, Nestor. Voulez-vous les mener jusqu'à la pâture, le long du ruisseau? Mais monsieur, que monsieur me pardonne. Ces bohémiens, c'est tout vaurien, chapardeurs et compagnie. Ces gens-là vont vous causer des tas d'ennuis. Des ennuis? Comme s'il pouvait encore m'arriver des ennuis. Allez, Nestor, occupez-vous d'eux. Mais je... bien, monsieur. Voulez-vous que j'aille moi-même, capitaine? Le pauvre Nestor a déjà tant de travail dans la maison. Vous avez raison, Tintin. Allez-y. Inviter de Romanichel chez soi. C'est de la folie. Je dis que c'est de la folie. À croire que monsieur est tombé sur la tête. Oh! Mille sabords, la marche. Il n'y en a donc pas un qui fera attention. Et une heure plus tard... Allô? Allô? Je souhaiterais parler au capitaine Haddock. Oui, c'est moi-même. Ici la gendarmerie. Voilà, capitaine. Mes hommes signalent que les nomades qui campaient à proximité de la grande route ont déménagé. Comment ? Il paraît que vous les auriez invités à s'installer chez vous. C'est exact, commandant. Je trouve inadmissible qu'on autorise ces braves gens à camper qu'au milieu d'une montagne d'immondices. Et comme j'ai ici une pâture qui... Allô, j'écoute ! Vous écoutez ? Mais moi aussi j'écoute. Allô ? Enfin, puisque vous m'écoutez, je vous dirais que je comprends votre initiative, capitaine. Elle part certainement d'un bon sentiment, mais quant à moi... Silence ! Ben comment silence ? Non, ce n'est pas à vous que je parle, c'est à ce perroquet qui... Allô, mais fais-tu te taire, oui ou non, espèce de... C'est toujours à votre perroquet que vous parlez ? Oui. Ah bon ? Bon, pour en revenir à ces nomades, vous ferez comme il vous plaira. Moi, je vous aurai mis en garde. Il ne faudra vous en prendre qu'à vous-même s'il vous amène des ennuis. C'est ça. Merci du conseil. Au revoir, commandant. Au revoir. J'ai été mordu par une petite sauvage, puis par un perroquet. Je me suis fait une entorse. La Castafiore est arrivée avec son Irma et son espèce de Beethoven. Et on me dit que je vais avoir des ennuis. Des ennuis. C'était Les bijoux de la Castafiore, d'Hergé. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation, Catel Guillou. Musique originale, Olivier Davio, orchestré par Didier Benetti pour l'Orchestre National de France. Avec Claude Mathieu, la diseuse de Bonne Aventure, Thierry Ancis, le capitaine Haddock, Sylvia Berger, la Castafiore, Alain Langlais, Nestor, Denis Podalides, le professeur Tournesol, Alexandre Pavlov, Wagner, Jérôme Pouli, Monsieur Sanzo, Julie Sicard, Irma, Hervé Pierre, le docteur Rotul, Gilles David, Monsieur Boulu, Adeline Dermy, Miarka, Didier Sandre, le narrateur, Nazim Boudjena, Matteo, Noam Morgenstern, Tintin, Gaël Camilindi, Luigi, et les élèves comédiens des promotions 2016 à 2019, Pauline Chabrol, Aude Rouanet et Olivier Lugo, avec Marina Kapp dans le rôle de Milou. Bruitage, Sophie Bissantz, conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bruno Mourland et Émilie Couette. Prise de son musicale, montage et mixage, Jean-Louis Deloncle, Mathieu Leroux et Alice Legros. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant.